Lettre d'un théologien à un autre théologien sur le mystère de la Trinité, par Paul Matty. Deuxième argument. Premièrement, si le Fils et le Saint-Esprit sont dépendants du Père à quelques égards, il faut qu'il y ait en chacun d'eux une nature finie, puisque la dépendance est une imperfection qui ne saurait se rencontrer dans la nature divine, laquelle possède toutes les perfections. Deuxièmement, or l'antécédent a été démontré par l'Écriture. Troisièmement, donc le conséquent ne saurait être révoqué en doute, et de là résulte tout ce qui a été démontré par l'argument précédent. Cet argument me paraît insoluble. Les orthodoxes ne peuvent esquiver qu'en niant que les relations que l'Écriture attribue au Fils et au Saint-Esprit, par rapport au Père, renferme de la dépendance et de l'imperfection. Mais pour soutenir une négation pareille, il faut renverser l'idée que nous avons de la dépendance et de l'imperfection. Ceux qui me nieront cela, me feront plaisir de me donner la définition de ces deux termes. Ils me feront plaisir de me dire en même temps par quelles règles nous pouvons connaître ce qui est une imperfection qu'on ne saurait attribuer à Dieu sans détruire l'idée que nous avons de lui comme de l'être infiniment parfait. Si l'on me produit une semblable règle, je me fais fort de démontrer par cette même règle que ce que l'Écriture attribue au Fils et au Saint-Esprit, quand elle les compare au Père, renferme quelque imperfection incompatible avec l'essence divine. Une autre considération qui sert à fortifier mon second argument, c'est qu'il est tout pareil à celui par lequel les orthodoxes prouvent qu'il fallait que le Fils de Dieu fût homme aussi bien que Dieu, afin qu'il pût exercer la charge de médiateur, et de répondant, et être une victime pour les pécheurs. La raison des orthodoxes est que l'humiliation, les souffrances et la mort, attachées à ces fonctions, sont des imperfections contraires à la nature de Dieu, et qu'elles demandent par conséquent que ce médiateur eût une nature humaine, qui fût un sujet capable de toutes ces imperfections. Ou il faut que les orthodoxes m'accordent que la divinité même ne peut être gendrée, ni procédée, ni être envoyé, etc. ou, s'ils me le nient, je serai fondé à leur nier à mon tour que la divinité même ne puisse pas souffrir, et ne puisse pas mourir. Qu'ils allèguent leurs raisons, et j'allèguerai les miennes. Ceux qui n'approuveront pas ce système, ne sauraient au moins le rejeter comme étant contraire à la raison ou à l'Écriture. On ne dira pas qu'il renferme rien d'absurde ou de contradictoire, à moins que le dogme de l'incarnation, duquel je fais la base de tout ce système, ne doive être regardé comme un dogme absurde et contradictoire. Or on ne prouvera jamais que c'en est un, si ce dogme est bien entendu. On ne démontrera jamais non plus, que Dieu ayant pu s'unir d'une manière fort étroite avec une nature intelligente finie, n'ait pas pu s'unir avec deux de ces natures. Quant à l'Écriture, depuis près de 2 ans que ce système s'est offert à ma méditation, j'ai examiné dans mon esprit si ce livre sacré ne contenait rien qui fût contraire à mes suppositions, ou qu'on pût y opposer avec un fondement apparent. Je n'ai pu encore m'imaginer qu'une seule objection que l'on me pourra faire, cette objection regarde l'article de la génération éternelle du Fils. On me dira sans doute, que si ce qui constitue la distinction du Père d'avec le Fils est une nature intelligente finie qui soit dans le Fils, il faut, ou que cette nature intelligente n'ait point eu de commencement. Ce qu'on croit répugner à un être fini, ou qu'elle ait eu un commencement, lequel toutefois doit précéder la création du monde. En ce second cas, le Fils n'aurait pas été engendré du Père de toute éternité. Il serait éternel en qualité de Dieu, mais il ne serait pas éternel en qualité de Fils de Dieu. Dogme contre lequel plusieurs orthodoxes zélés ne manqueront pas de crier, à l'hérésie, à l'impiété. Mais sans prendre parti sur aucun de ces deux cas, parce que je n'ai pas de raison suffisante de me déterminer, ni pour l'un ni pour l'autre, je dis que l'on ne saurait démontrer, ou que l'un, ou que l'autre soit faux quoique, pour réfuter mon système par cet endroit, il faudrait que l'on pût démontrer qu'ils sont faux tous les deux. Pour commencer par le premier cas, je ne vois pas que l'on puisse démontrer par quelque argument que ce puisse être, que Dieu n'a pas pu de toute éternité donner l'existence à quelque être fini, et qu'il faille nécessairement qu'il se soit écoulé une infinité de siècles, pendant lesquels Dieu n'ait pu rien produire. Je ne sais pas comment on pourrait montrer qu'il y a de l'absurdité dans cette proposition. Comme Dieu n'a jamais commencé d'être, aussi n'a-t-il jamais commencé d'agir, soit en lui-même, soit hors de lui-même. L'éternité indépendante est une perfection de la divinité, j'en conviens, mais on ne saurait démontrer la même chose touchant une éternité dépendante, et qui a son principe, non dans l'être même qui possède cette éternité, mais dans Dieu qui a donné l'existence à cet être, quoique ce soit de toute éternité qu'il la lui ait donnée. Quant au second cas, dans lequel on pourrait prétendre que l'éternité de la génération du Fils est un article de foi, et une vérité démontrée par l'Écriture, je sais bien que l'on se fonde sur trois passages, qui sont pris au psaume 2, Proverbe 8 et Michée 5. Mais de tous ces passages je n'en trouve pas un seul qui soit concluant. La preuve qu'on tire du psaume 2 ne mérite aucune attention. Où a-t-on vu qu'aujourd'hui marque l'éternité? Et combien n'entre-t-il pas de pétitions de principe dans l'argument que l'on tire de ce passage? Ni les paroles de Michée 5 ni celles de Proverbe 8 ne prouvent rien non plus sur le sujet en question. Car pour celles de Michée 5, et ses issues sont déjà dites dès les temps éternels, comment prouvera-t-on que le Fils y est considéré en qualité de Fils de Dieu, et que ce terme, ses issues, signifie sa génération? Ne peut-il pas être considéré en cet endroit par rapport à sa divinité qui est éternelle? Mais je veux qu'il soit considéré dans ce passage en qualité de Fils de Dieu, comme c'est, sans contredit, en cette qualité qu'il est parlé de lui. Proverbe 8, 23. Comment prouvera-t-on que ces termes, dès l'éternité je fus établi, dès le commencement, dès avant les origines de la terre, marque l'éternité, soit dans l'un, soit dans l'autre de ces deux passages. On sait que toutes ces expressions sont appliquées indifféremment, et à Dieu, et aux créatures, et qu'elles ne signifient proprement autre chose sinon ce qui a été depuis longtemps. Ces expressions sont donc équivoques, et c'est la nature du sujet qui les détermine à signifier, ou une durée qui n'a point de commencement, ou une durée longue, à la vérité, mais qui a eu un commencement. Ainsi ces expressions ne sauraient déterminer la nature de leur sujet, c'est au contraire la nature de leur sujet qui les doit déterminer. Mais il est dit Proverbe 8, 24, que la sagesse a été engendrée avant les abîmes, avant les fontaines chargées d'eau, etc. c'est-à-dire, avant la création du monde. Que peut-on conclure de là? Mon système enseigne-t-il le contraire? A-t-on quelque preuve de cette proposition? Tout ce qui a été avant le monde est éternel? Dieu n'a-t-il pas pu donner l'existence à quelque être avant qu'il eût créé le monde? Et supposer qu'il l'eût fait, un pareil être ne pourrait-il pas parler de lui-même dans les mêmes termes que parle la sagesse dans les proverbes? Y aurait-il dans un pareil langage quelque chose d'outré, et d'hyperbolique? Ne pourrait-il pas dire, « J'ai été avant le monde », si effectivement il a été avant le monde? Mais, dit-on, Dieu se sert de ces mêmes expressions pour désigner son éternité. J'en conviens. Mais ces expressions ne marquent l'éternité de Dieu que parce que c'est à Dieu qu'elles sont appliquées. De leur nature, elles ne marquent qu'une durée bornée, qui pourrait être celle de quelques créatures, et ce n'est qu'en étendant leur signification qu'on peut s'en servir pour marquer l'éternité de Dieu. Qui est-ce donc qui pourrait prouver que ces mêmes expressions ne peuvent en aucune rencontre être prises en leur sens propre et naturel, en sorte qu'on ne les fasse signifier que ce que les termes signifient d'eux-mêmes? C'est encore ici le sujet qui doit déterminer le sens des expressions, et ce ne sont pas les expressions qui doivent déterminer la nature du sujet. Je crois avoir montré suffisamment que l'on ne peut rien prouver par ces passages. Quant aux autres qui attribuent l'éternité au Fils, ils ne prouvent rien contre moi qui reconnais qu'il est Dieu, et qu'il est éternel en tant que Dieu. Si vous savez quelques passages de l'Écriture, outre ceux que je viens d'indiquer, que l'on peut opposer à mon système, je vous prie de m'en donner la connaissance, et je vous promets de l'examiner avec toute l'attention d'une personne qui ne cherche que la vérité. Je prévois que l'on me pourra faire des objections d'une autre nature. On me dira que quand mes sentiments seraient vrais, je ne devrais pas les rendre publics, à cause des troubles qu'une nouveauté de cette nature pourrait exciter dans l'Église. J'ai pesé ces inconvénients, et ce sont ces considérations qui m'ont engagé à renfermer ces pensées en moi-même, et à ne les communiquer à personne, pendant près de 2 ans. J'aurais peut-être continué à les supprimer pour toujours, à l'imitation d'un illustre théologien, la Placette, réponse à 2 objections, etc. qui peut-être a eu une pensée pareille à la mienne sur cette matière, mais qui, par les raisons que je viens d'indiquer, a enterré avec lui toutes les vues qu'il a pu avoir sur ce sujet. Mais ma conscience m'a fait enfin des reproches sur mon silence, et persuadé d'avoir non seulement rencontré la vérité, mais une vérité très utile à l'Église, j'ai craint que Dieu ne me demandât compte de ce talent enfoui, et j'ai cru que s'il nous donnait quelque lumière, c'était dans la vue qu'elle fût communiquée à l'Église par notre canal. J'ai donc opposé à toutes les raisons qui pouvaient m'engager à continuer de me taire, celles qui peuvent m'engager à rompre mon silence. En supposant que ce système est appuyé sur des preuves solides et convaincantes, j'ai réfléchi qu'il lève toutes les difficultés, tant du côté de l'Écriture, que du côté de la raison, auxquelles tous les autres systèmes avaient été exposés, et en particulier celui qui est reçu dans l'Église. Il m'a paru que ce serait travailler utilement pour l'honneur de l'Écriture sainte et de la religion chrétienne, et par conséquent pour la gloire de Dieu, pour affermissement et pour la propagation de notre sainte foi, que démontrer aux adversaires de notre religion, athées, déistes, juifs, mahométans, païens, que notre religion n'est pas aussi absurde qu'ils se la figurent, et que nos Écritures sont mieux d'accord avec elles-mêmes qu'ils ne pensent. J'ai cru que ce serait leur ôter un achoppement très considérable, et un prétexte des plus apparents de demeurer dans l'infidélité. Il m'a aussi semblé que ce serait retrancher la principale cause de toutes ces sectes qui ont divisé l'Église à l'occasion du dogme de la Trinité. C'est l'incompréhensibilité du mystère qui a fait naître ces sectes, et cette incompréhensibilité n'était autre chose que l'impossibilité que l'on se figurait à concilier les passages qui traitent de ce point de la religion. Cela même a été cause que l'on s'est écarté de l'Écriture par différents chemins, comme je l'ai remarqué au commencement de cette lettre. Chacun s'imaginant que son chemin est le meilleur, et ayant les mêmes raisons pour soutenir son choix, Comme personne n'est en état de convaincre ses adversaires que par les mêmes arguments dont ses adversaires peuvent se servir contre lui, cela rend la division irrémédiable, et la réunion impossible. Ce nouveau système ouvre à tous ses partis divisés, l'unique moyen de se réunir, qui est de se rapprocher de l'Écriture. Si ce système est reçu, les catholiques romains ne pourront plus défendre les contradictions de leur dogme de la transsubstantiation par celle du dogme de la Trinité. Ils seront déchus d'une objection à laquelle, quoi qu'on puisse dire, on n'a jamais répondu rien de satisfaisant. Enfin, combien de particuliers dans la communion des églises orthodoxes verront avec joie leurs doutes dissipés, leurs difficultés levées? Combien de gens, qui orthodoxes de profession, nourrissent dans leur cœur des sentiments ariens, sabelliens, ou trithéites, peut-être sans le savoir, reviendront de leurs erreurs par ce moyen. Voilà, monsieur, les principales raisons qui m'ont fait juger que ce système serait utile à l'Église. J'ajoute à cela qu'il y a si peu de différence entre ce système et la doctrine reçue parmi les orthodoxes, qu'on peut le recevoir sans presque rien changer à leur confession de foi. Ils croient qu'il y a un seul Dieu, et qu'il y a trois personnes, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, chacune desquelles est Dieu. Ils continueront à le croire, et bien loin qu'ils soient obligés de changer quelque chose à leurs expressions, le mot de personne, qui est en pris au pluriel n'a aucune idée dans leur système, conserve dans celui-ci sa signification naturelle et connue. Ils disent que les trois personnes sont trois manières d'être de la divinité. Dans quel système cela se peut-il dire d'une manière plus intelligible que dans le mien? La divinité n'est-elle pas d'une manière différente dans le Père, dans le Fils, et dans le Saint-Esprit? Ils font consister la génération du Fils et la procession du Saint-Esprit en ce que le Père a communiqué son essence divine au Fils et au Saint-Esprit. Ce sont des mots qui n'ont aucun sens dans leur système, mais dans celui-ci ils signifient quelque chose de réel, on peut entendre ce qu'on dit. Ces raisons, ce me semble, devraient disposer les esprits des orthodoxes à revenir des préventions que ce qu'il y a de nouveau dans ce système ne manquera pas d'abord d'exciter en eux. Ils doivent regarder ces idées, plutôt comme des éclaircissements d'une doctrine qu'on a très peu entendue jusqu'à présent, que comme des changements effectifs. Rien ne sera innové, ni dans les sentiments que nous devons avoir à l'égard de Dieu, à l'égard de Jésus-Christ, à l'égard du Saint-Esprit, ni dans le culte dont nous les devons honorer, ni dans les fondements de ces sentiments et de ce culte. L'économie de notre salut demeure absolument la même. Par-dessus tout cela, ils devraient se souvenir qu'ils sont des réformés, et non pas des catholiques romains. Que leur Église n'est pas plus infaillible que celle de Rome ne l'était quand nos pères se sont séparés de cette dernière. Que l'Écriture est la règle unique sur laquelle ils font profession d'appuyer leur foi, et non les traditions de leurs ancêtres, ou les décisions d'aucune assemblée de théologiens que ce puisse être. Qu'à moins qu'ils ne veuillent renoncer aux maximes fondamentales de la Réformation, il ne leur est pas permis d'opposer la prescription à l'Écriture et à la raison, et de prétendre renverser un système appuyé sur de pareils fondements, en se servant des mêmes armes par où ceux de Rome auraient pu renverser avec la même facilité la doctrine réformée aussitôt qu'elle commença à paraître. Ils se trahiront eux-mêmes. S'ils font leur principal fort de cette objection, cela est nouveau, nos pères ne nous ont pas enseigné cette doctrine, nous n'en avions jamais entendu parler. Qu'on oppose raison à raison, c'est tout ce que je demande. Si l'on suit une méthode si juste, si digne de chrétiens, et de chrétiens réformés, beaucoup de difficultés se trouveront aplanies, plusieurs doutes seront levés, et la vérité de quelque côté qu'elle soit, paraîtra au jour avec plus de lustre. Nonobstant toutes les raisons qui devraient faire recevoir ce système, il y aurait de l'imprudence à se flatter qu'il ne trouvera pas de violentes oppositions. Quand on sait de quelle manière les esprits des hommes sont constitués, pour la plupart. Mais comme il n'y a point de vérité inconnue, qui venant à s'établir n'ait rencontré des oppositions pareilles, et que Dieu veut cependant que la vérité soit proposée aux hommes, et qu'elle serve même à les éprouver, et à distinguer ceux qui aiment Dieu et la vérité de ceux qui n'aiment que leurs intérêts présents. Je ne crois pas que la crainte des oppositions puisse légitimement dispenser ceux que Dieu a fait les dépositaires de sa vérité de la faire briller aux yeux des hommes. Il faut, ce me semble, allier en ces occasions vont la prudence et la fermeté, autant que nos faibles lumières se peuvent étendre, suivre sa vocation, obéir à Dieu qui nous déclare sa volonté par les circonstances où il nous met, et remettre l'événement entre ses mains. Voilà, monsieur, quelles sont mes pensées et mes sentiments. Le but que je me propose en vous les communiquant est que vous me fassiez part réciproquement de vos lumières. Surtout je vous prie de ne me rien cacher de tout ce qu'il vous semble qu'on pourrait objecter à mon système, ou de tout ce qui pourrait affaiblir les raisons sur lesquelles je l'appuie, ou enfin de tout ce qui pourrait justifier le système commun, dans les chefs où je crois avoir prouvé qu'il n'est pas conforme à l'Écriture, ni par conséquent à la vérité. Tout ce que vous me direz ne pourra qu'être d'une grande utilité pour l'éclaircissement de la vérité. Je vous ferai tort de croire que vous n'êtes pas dans la disposition de concourir avec moi en tout ce que votre conscience vous dicterait être utile, pour l'avancement de l'œuvre de notre Dieu, et de notre Sauveur, au service duquel nous avons l'honneur d'être vous et moi. Je vous recommande à sa grâce, et je suis etc. Quoique je me sois assez expliqué dans tout le corps de cette lettre, pour vous faire connaître mon système, j'ai cru que je ferais bien de vous en envoyer une description plus précise, telle qu'est la suivante. Principe en quoi mes sentiments s'accordent avec ceux des orthodoxes. Je reconnais avec les orthodoxes, et dans le même sens que, l'unité de Dieu, la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'incarnation, la satisfaction, et tous les autres dogmes qui sont une conséquence de ceux que je viens d'expliquer. Il n'y a que les articles suivants en quoi il y a quelques différences entre les sentiments des orthodoxes, et les miens. Principe particulier à mon système premièrement, outre la divinité, qui est un être infiniment parfait, unique en nombre, indépendant, indivisible, il y a deux êtres intelligents finis, auxquels Dieu a donné l'existence dans un temps qui a précédé la création du monde. Je ne détermine pas si ce temps a eu un commencement, ou s'il n'en a pas eu un. Deuxièmement, Dieu s'est uni à chacun de ces deux êtres intelligents finis d'une manière très étroite. Je puis appeler cette union, union personnelle, en prenant le terme de personnel dans le même sens que les orthodoxes le prennent, quand ils l'appliquent à l'union de la nature divine avec la nature humaine de Jésus-Christ. Troisièmement, l'être infiniment parfait, qui est Dieu, et ces deux êtres finis auxquels Dieu s'est uni, constituent trois personnes. Je prends le mot de personne dans le sens que les hommes ont accoutumé de le prendre dans leur langage ordinaire, quand ils entendent par une personne un être intelligent, uni ou non uni à un corps. En ce sens-là, trois personnes sont trois êtres intelligents distincts l'un de l'autre. Quatrièmement, la première personne, qui est le Père, c'est Dieu considéré tel qu'il est en lui-même, sans le joindre à aucun autre être différent de lui. La seconde personne qui est le Fils, est une de ces deux intelligences finies dont je viens de parler, unie très étroitement avec la divinité. La troisième personne, qui est le Saint-Esprit, est la seconde de ces deux intelligences finies, à laquelle la divinité est unie très étroitement, de même qu'à la première. Cinquièmement, ainsi dans la personne du Père il n'y a qu'une seule nature, c'est la divinité toute pure. Dans chacune des deux personnes du Fils et du Saint-Esprit, il y a deux natures, savoir une nature divine, qui est unique en nombre, et la même dans chacune des trois personnes, et une nature intelligente finie, qui est propre au Fils et au Saint-Esprit et qui distingue ces deux personnes de celles du Père, et les distingue aussi l'une de l'autre, parce que la nature intelligente finie qui est dans le Fils, et la nature intelligente finie qui est dans le Saint-Esprit, sont deux êtres distincts l'un de l'autre. Sixièmement, cette distinction des personnes est une distinction réelle. Elles sont distinguées comme une personne est distinguée d'une autre personne, c'est-à-dire comme un être intelligent est distingué d'un autre être intelligent. Elles ne laissent pas d'être un, sous un certain égard, en tant que chacune des trois est Dieu, et le même Dieu que les deux autres. Septièmement, la personne du Fils a été composée de deux natures avant son incarnation, aussi bien qu'après. Mais avant son incarnation, la nature finie était une nature purement spirituelle ou angélique, et dans l'incarnation le Fils a pris à soi une nature humaine. Ainsi au lieu qu'il était auparavant Dieu et ange, il est devenu Dieu et homme. On pourrait demander si cette nature angélique que le Fils avait avant son incarnation, est devenue l'âme du corps qu'il a pris en venant au monde, ou si en prenant ce corps, il a pris aussi une âme particulière à ce corps, sans que cette nature intelligente finie ait cessé d'être unie à sa personne, comme elle l'était auparavant. Au premier cas, il n'y aurait eu en lui que deux natures, soit avant son incarnation, soit après, comme il a été dit au commencement de cet article. Au second cas, il y aurait en lui trois natures, depuis son incarnation, toutes trois distinctes et qui ne laisseraient pas de composer une même personne, savoir une nature divine, une nature angélique, et une nature humaine. Le plus sûr, à mon avis, et de ne rien déterminer sur cette question douteuse, parce que l'Écriture ne nous instruit pas assez sur ce sujet, au moins à ce qu'il nous paraît. Je ne vois aucun inconvénient à soutenir soit l'un, soit l'autre de ces deux parties. Cependant le premier me paraît s'accorder beaucoup mieux que le second avec les idées que l'Écriture nous donne, et il ne renferme point de difficultés, qu'on ne puisse lever facilement. C'est pourquoi je penche aussi davantage de ce côté-là, mais sans rien décider. Huitièmement, lorsque les trois personnes sont comparées entre elles ou distinguées par les différentes relations qu'elles ont les unes avec les autres, elles ne sont pas comparées ou mises en relation selon ce qu'elles ont de commun, mais selon ce qu'elles sont de particulier. Ainsi la relation qu'il y a entre le Père et les deux autres personnes n'est pas une relation entre la divinité du Père, et la divinité du Fils, ou la divinité du Saint-Esprit, car ce ne sont pas trois divinités différentes, mais le seul et même Dieu, le seul et même être qui ne saurait être mis en relation avec lui-même. Mais c'est une relation qui a lieu entre la divinité qui est toute pure dans la personne du Père, et les deux intelligences finies qui sont dans le Fils et dans le Saint-Esprit. De même la relation qu'il y a entre le Fils et le Saint-Esprit, n'est pas une relation entre la nature divine de l'un, et la nature divine de l'autre, puisque ce ne sont pas de nature divine, mais un même être. Mais cette relation a lieu entre les deux intelligences finies, celle du Fils et du Saint-Esprit. Neuvièmement, comme les titres de Fils et de Saint-Esprit sont des titres qui marquent les relations qu'il y a entre ces deux personnes et celles du Père, et que les termes de génération et de procession, dont l'un est approprié au Fils, et l'autre au Saint-Esprit, marquent aussi ces mêmes relations, ce n'est pas la nature divine qui est le sujet à quoi il faut rapporter ces termes, soit dans le Fils, soit dans le Saint-Esprit, mais c'est la nature finie à quoi il les faut rapporter. Je veux dire que la seconde personne n'est pas appelée Fils de Dieu, et n'a pas été engendrée en qualité de Dieu, mais en qualité d'être intelligent fini. Et que par la même raison le Saint-Esprit n'est pas appelé Esprit de Dieu, et n'est pas procédé du Père en qualité de Dieu, mais en qualité d'être intelligent fini. Au reste, j'ignore la différence qu'il y a entre la génération et la procession. Ces deux termes expriment la manière dont les deux intelligences finies du Fils et du Saint-Esprit ont été produites par celle du Père, mais cette matière m'est inconnue. Je sais seulement que la seconde personne est appelée Fils de Dieu dans un sens qui lui est propre, et qui ne convient à aucun autre être fini. Dixièmement, les titres de sagesse de Dieu, et de parole de Dieu, marquent aussi des relations particulières, que le Fils, en qualité d'intelligence finie, a avec le Père. Mais ces relations me sont inconnues, et je ne saurais en parler que par conjecture. Onzièmement, le Fils et le Saint-Esprit, considérés en tant que Dieu, sont égaux au Père, puisqu'ils sont le même Dieu que le Père. Mais considérés en qualité de deux intelligences finies, ils sont à cet égard, inférieurs au Père, et dépendants du Père. De même le Fils et le Saint-Esprit sont deux personnes, parfaitement égales, si on les considère du côté de la nature divine qu'ils possèdent. Mais si on les considère comme deux êtres intelligents finis, rien n'empêche qu'il n'ait quelque subordination entre eux à cet égard. Cette subordination peut être fondée, ou sur la différence qu'il peut y avoir entre ces deux natures intelligentes finies, ou sur la différente manière dont elles peuvent être unies avec la divinité. Comme la raison nous dicte que cette subordination n'est pas impossible, l'Écriture nous apprend qu'elle existe, et que le Fils a quelques degrés de prééminence sur le Saint-Esprit. Mais elle ne nous apprend pas jusqu'où cette prééminence s'étend, ni si elle n'est que pour un temps, ou pour toujours. C'est pourquoi, je ne détermine non plus rien sur ce sujet. Douzièmement, le Fils et le Saint-Esprit sont l'objet de tous nos hommages religieux, aussi bien que le Père. Mais ces hommages ne s'adressent pas à ce qu'il y a de fini dans ces deux personnes, mais à ce qu'il y a en eux d'infini et de divin. Ainsi, soit que nous honorions le Père, soit que nous honorions le Fils et le Saint-Esprit, nous n'avons qu'un seul et même Dieu pour objet de notre culte et de notre adoration. Nous adorons ce Dieu, selon qu'il se fait considérer à nous, ou dans la personne du Père, ou dans les personnes du Fils et du Saint-Esprit, auxquelles il s'est uni, et dans lesquelles il nous manifeste sa glorieuse présence. C'est ainsi qu'il la manifesta autrefois, quoique d'une manière moins expresse, et qu'il recevait aussi les hommages et le culte des hommes, à qui il se manifestait, dans le buisson enflammé au milieu duquel Dieu parla à Moïse. Dans la colonne de nuée et de feu qui conduisait les Israélites dans le désert, et du milieu de laquelle Dieu leur adressa souvent la parole, dans cet ange qui se fit voir diverses fois aux anciens patriarches sous une forme visible, et en divers autres objets sensibles. Je ne rapporte pas ces exemples comme étant tout à fait pareils, mais comme ayant quelque rapport à la chose que je voudrais tâcher de représenter, et comme étant propres à en donner quelque idée. En un mot, les hommages que nous rendons au Fils et au Saint-Esprit ne se rapportent pas aux intelligences finies de ces deux personnes, mais à la divinité qui est en eux, de la même manière que les hommages que nous rendons à Jésus-Christ, Dieu et homme, ne se rapportent pas à sa nature humaine, mais à sa nature divine. Markandanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.